La 71e édition du Festival de Cannes aura souri à un film belge, Girl. Ce premier long métrage de Luc Ardant a fait l'unanimité auprès de la presse internationale et également auprès de plusieurs jurys. Girl remporte la caméra d'or attribuée à un premier film, quelle que soit la compétition, 27 ans après Toto le héros de Jaco van der Maal. Dans sa besace, Girl a aussi la Queer Palm, récompensant un film pour son traitement des thématiques altersexuelles, le prix FIPRESI, prix de la critique internationale, ainsi que le prix d'interprétation pour le jeune Victor Polster, l'acteur principal. Le film sortira dans les salles belges et françaises l'automne prochain. François Damiens est connu pour son personnage de François Lambrouille à la télévision, puis pour nombre de rôles au cinéma. Il vient de réaliser son premier long métrage, Mon Quête. Quête étant un mot bruxellois pour désigner un jeune, un gosse. Écoutons la bande-annonce. Il est où ton papa? Il est là. Oui, il est là. Et maintenant, il partira plus. Vous êtes avocate? Je suis avocate, oui. Et si j'ai besoin de votre signature? What's about? Ça parle de quoi? Votre fils. On veut pas qu'il fasse la même chose. Hein? Comment la même chose? Ah, on va fonctionner en binôme. On va monter une entreprise. Quand tu commences à courir, t'as du mal. Quand tu commences à fumer, ça fait mal. Vous lui apprenez à fumer? C'est un projet que... Ou ça, on a un projet commun. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. C'est un peu bizarre. Ils m'ont tout enfoncé, quoi. Qu'est-ce qu'ils vous ont enfoncé? D'accord, ok. Là, on devient un peu borderline, hein. Il va être fier de son père. Il est un footballeur, pour ton anniversaire. Chouette, non? Oui, ça va. Faut pas qu'il a payé pour venir. 5000 euros. Happy birthday, dear Sylvain. Sylvain. Sylvain. Sylvain. Sylvain. Sylvain. Ok. Enfin, mais vous êtes malin. Voilà. Découragez pas, hein, madame. Mais vous êtes complètement malin, mais vous, je sais pas qu'est-ce que vous avez comme grain dans la tête. Mais vous êtes débile. Tu m'emmerdes! C'est bien. Tu m'emmerdes! C'est moi. Arrête! Tu m'emmerdes! C'est un peu bizarre. François Lambrouille, je le voyais de temps en temps à la télé, n'étant pas fan de RTL TVI, la chaîne privée belge où passait ce personnage. J'avoue que je riais, que je passais du bon temps. Après, François Damiens m'a bien plu comme acteur. Je retiens Tango Libre de Frédéric Fontaine, Suzanne de Catel qui les verrait, Je fais le mort de Jean-Paul Salomé, Les Cowboys de Thomas Bideguin, Des nouvelles de la planète Mars de Dominique Moll ou Au témoin d'un doute de Karine Tardieu. Je m'attendais donc à un film correspondant à la sensibilité qu'affichait François Damiens dans ses rôles. Eh bien non, il a repris son personnage de François Lambrouille en le transformant en Danny Versavel, mais c'est le même moule, et en faisant tout un film en caméra cachée. François Damiens, qui a écrit Mon Quête avec Benoît Mariage, fait le choix de mélanger fiction comique et caméra cachée. C'est loupé, ce n'est pas drôle. Rien ne prend en dépit des efforts de François Damiens pour arracher un sourire. Le principe de la caméra cachée ne tient pas la route sur le temps que dure le film, 89 minutes, et montre les limites d'un tel procédé de manière encore plus significative que Connasse, Princesse des Cœurs. On est dans une comédie à sketch, cela manque de liant, et n'a ni queue ni tête, le pire étant la partie finale. Par moments, j'ai même été gêné, notamment dans la scène du footballeur. Pour finir, Mon Quête n'est pas du cinéma, c'est de la télévision. Le Cours en dit long, c'est un festival de courts-métrages francophones produits et coproduits en Wallonie et Bruxelles, se déroulant entre le 4 et 9 juin au Centre Wallonie-Bruxelles à Paris. 32 films seront en compétition répartis en 6 programmes thématiques. Décors, films d'école et d'atelier, adolescents, questions de société, de l'amour, questions de genre. Cette 26e édition est aussi placée sous le signe de deux réalisateurs de cinéma d'animation ayant marqué l'histoire du festival avec leurs courts-métrages, Vincent Patard et Stéphane Aubier. Les auteurs de Pic Pic le cochon magique et de André le mauvais cheval, mais aussi de la série télévisée et du long métrage Panique au village. Sans oublier leur co-réalisation avec Benjamin Renner du long métrage Ernest et Célestine, qui leur valut notamment le César du film d'animation 2013 et le Magritte du meilleur film belge 2014. Plus d'infos sur www.cwb.fr. À la prochaine.